Thank you. ce l'ho con si viri giù. Fa da so po c'è tosto. Fa per breve legge da ciao don zon zon. Ti ce le vedi ce da ba ce le de. Ti fu ce con don. Ti che le è. Ti che deve ci. Ciao ciao ciao.在高处走了就过来去过路费的账就费的钱过把山叫都爱上当当当当这把我这那个都少买了几只来斗鱼苏格的地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地 Yeah, bad